Le pied de la croix, les douleurs de Marie par le révérend père Frédéric William Faber. Seconde partie du chapitre 6. Cinquième douleur, le crucifiement. Il reste encore quelque chose à dire sur les particularités de cette cinquième douleur, quoique dans le récit tout en ait déjà été inévitablement dit par anticipation. Par-dessus tout, le crucifiement a cela de particulier, qu'il était la source et l'origine de toutes les autres douleurs excepté de la troisième. Cette dernière resta à part, elle est le crucifiement particulier de Marie, son Gethsémanie et son calvaire. Mais les deux douleurs qui eurent lieu pendant l'enfance, et la quatrième qui représente la passion, ont pour centre le crucifiement. Quant aux trois jours d'absence, c'est une douleur qui n'appartient pas à l'enfance, et l'ombre de la passion ne s'y remarque pas plus distinctement que sur le reste de la vie de Marie. C'était un acte de Jésus lui-même, acte qui en apparence avait une relation spéciale avec sa mère. La troisième douleur qui précède les 18 années de Nazareth, fut aux afflictions de Marie ce que les 18 années furent à sa vie en général, quelque chose entre Jésus et elle-même, un mystère d'une espèce différente de ceux dans lesquels lui et elle étaient mêlés dans l'accomplissement de la rédemption du monde. Mais le glaive de la prophétie de Siméon était le crucifiement. La fuite en Égypte eut lieu pour empêcher la cruauté d'Hérode d'avancer le moment de la mort de notre Sauveur. La rencontre de la croix a été le chemin du calvaire. La descente de la croix et la sépulture étaient des douleurs qui découlaient naturellement du crucifiement avec lequel elles étaient en union indissoluble. Le crucifiement était donc la réalisation de la douleur de toute la vie de Marie. Elle était arrivée à la source. Elle l'avait remontée jusqu'au calvaire. Ce qui restait était l'eau surabondante, ou plutôt l'eau et le sang qui coulèrent de la montagne et s'imbibèrent au seuil du tombeau du jardin. Comparé au crucifiement, les autres douleurs, toujours la troisième exceptée, étaient presque comme des distractions et un soulagement qui s'agitait au-dessus des abîmes sans fond des souffrances de Marie. Le crucifiement était par lui-même une douleur sans nom et sans pareil. Cette douleur était le centre du système des douleurs de Marie, tandis que l'indépendance de sa troisième douleur découvre l'existence de ce vaste monde, qui est Marie en elle-même, création à part, plus brillante que notre monde et plus chère à Jésus. C'est un globe mystérieux en vue du système où nous sommes. C'est une révélation de tout ce monde de phénomènes, qui est caché à nos yeux dans les 18 années de dévouement de Jésus à Marie. Le mystère des trois jours d'absence se place au même rang que l'Immaculée Conception, l'Incarnation et l'Assomption, qui appartiennent toutes au monde de Marie, et qui auraient existé, quand même il n'y eût pas eu de péché, quoiqu'elles eussent été différentes de ce qu'elles ont été en effet. Mais cette troisième douleur montre comment le règne du péché, et la nécessité d'une nature passible dans l'incarnation exercèrent leur influence sur le monde de Marie, comme sur celui de Jésus, et marquèrent les traits de la maternité aussi bien que ceux de l'incarnation. Il y a certainement dans l'Évangile peu de mystères que nous comprenions moins que celui des trois jours d'absence. Une autre particularité du crucifiement est la longueur du temps durant lequel le flux de la souffrance resta à son plus haut point sans aucun signe de reflux. Les mystères qui remplirent les trois heures semblent trop diversifiés pour que nous les regardions, du moins jusqu'à ce que nous arrivions à l'abandonnement comme s'élevant par des degrés quelconques, d'un moindre à un plus grand. Ce sont plutôt des élévations séparées, de hauteur inégale et liées ensemble comme une chaîne de montagnes. Mais le moindre de ces mystères s'élevait à une hauteur si démesurée, qu'il produisait dans l'âme de Marie une incommensurable agonie. L'angoisse de la mort est momentanée. La durée de quelques-unes des plus terribles opérations qui puissent torturer le corps humain excède rarement un quart d'heure. La souffrance portée au-delà d'une certaine limite, comme dans la torture au Moyen Âge, est une mort instantanée, tellement que dans les châtiments humains qui ne sont pas destinés à causer la mort, la main de la science veille sur le pouls du patient. Mais, pour Marie, le crucifiement forme trois longues heures d'agonie mortelle, heures qui renfermèrent par centaines les formes et les types différents de tortures intolérables, dont chacune était portée au-delà des limites de ce que l'homme peut supporter s'il n'est soutenu par un miracle, et dont chacune se maintint à ce degré surhumain pendant ce temps. Lorsque le mal nous atteint, nous désirons nous coucher, à moins que la folie et les délires ne l'accompagnent et ne nous portent à courir çà et là, à nous tordre, à gesticuler et à gémir. Pendant tout ce temps accablant, Marie se tint debout, sans s'appuyer sur personne, et sans même accompagner ses larmes silencieuses d'un soupir qu'on put entendre. C'est là une chose difficile à concevoir pour nous. Nous ne pouvons la concevoir que par la prière. Et non en l'entendant raconter ou en la lisant. Une autre particularité du crucifiement était d'être une épreuve héroïque de la foi incomparable de Marie. Elle avait en elle presque la foi du monde entier lorsqu'elle se tenait, avec Jean et Madeleine, au pied de la croix. Il y avait à peine une parcelle de sa croyance qui ne fut mise à la dernière épreuve dans cette scène terrible et étonnante. Naturellement parlant, la divinité de notre Seigneur n'avait jamais été si obscurcie. Surnaturellement parlant, elle n'avait jamais été si manifeste. Était-il possible que le Verbe incarné fût assujetti à de tels excès d'indignité sans égale? La lumière qui était en lui ne se manifesterait-elle pas une seule fois? La sagesse du Père devait-elle être, au bruit des blasphèmes et des bouffonneries, ridiculement affublée d'un sac blanc, et tirée çà et là impuissante et dégradée par les gardes d'un roi incestueux? N'y eut-il pas dans la passion un point ou plutôt plusieurs points où la limite de ce qui est vénérable et convenable fut dépassée? Et même dans le récit réservé de l'Évangile, combien de choses n'y a-t-il pas sur lesquelles l'esprit ne peut s'arrêter sans être choqué, et sans éprouver un sentiment de répulsion, aussi bien que d'étonnement. Aujourd'hui, à un intervalle de temps si considérable, ces choses n'éprouvent-elles pas notre foi par leur horreur même? Ne glace-t-elle pas notre sang par leur atrocité meurtrière? Ne porte-t-elle pas notre dévotion à s'éloigner avec répugnance et dégoût de l'affectueuse contemplation des prodiges de cruauté, par lesquels nos péchés secrets et nos turpitudes furent expiés avec tant d'amour et d'ignominie publique? La dévotion à la passion n'est-elle pas jusqu'à présent la pierre de touche d'une foi faible? D'un amour tiède, d'une pénitence trop indulgente pour elle-même? Marie était plus délicate que nous. Elle avait les goûts plus exquis que nous, et cependant elle abreuvait ses regards de toutes ces choses et son âme en comprenait l'horreur, mieux que nous ne pourrons jamais le faire. Quelle foi devait donc être la sienne? Les perfections divines souffrirent aussi dans la passion une étrange éclipse. Le péché était triomphant, la justice était condamnée. La sainteté était abandonnée même par le Très-Saint. La providence semblait s'être retirée comme par force. Dieu avait été foulé aux pieds et chassé, et les créatures avaient pour elles-mêmes le monde créé. Plus encore, elles avaient le Créateur en leur pouvoir. Il n'y avait pas d'intervention divine, précisément au moment où elle paraissait le plus naturel et le plus nécessaire. Si les hommes pouvaient alors agir à leur guise, à coup sûr ils le pourraient toujours. Dieu paraissait tantôt passif, tantôt cruel. Oh, il fallait une théologie angélique pour rendre la providence de ce jour-là compatible avec les attributs du Très-Haut. Alors les anges même pouvaient être une épreuve de la foi de Marie. Existe-t-il des êtres tels que les anges? Marie les avait vus si souvent qu'elle ne pouvait révoquer en doute leur existence. La nuit précédente encore, elle avait vu courbé et en adoration à côté de Jésus, dans son agonie, Saint Michel, cet archange glorieux, choisi pour la mission étrange, exceptionnelle de consoler le Fils de Dieu dans sa détresse inconsolable. Mais qu'étaient devenus leurs ailes pour le Verbe incarné? Cette grande grâce par laquelle ils avaient tous été établis dans leur persévérance finale? Où étaient les épées à deux tranchants des chérubins qui interdisaient l'entrée de l'Éden à tous excepté à Enoch et à Élie? Ah, il y avait des légions d'anges empressés qui s'avançaient, mais elles étaient toujours rejetées en arrière comme une nuée d'orage qui s'efforce de s'ouvrir un chemin contre le vent. Ils étaient pleins de zèle, d'ardeur et de feu, mais le doux regard de Jésus leur imposait une douloureuse obéissance et les refoulait en arrière. En voyant la beauté de Jésus et en sondant la profondeur de sa prière, comme Marie seule pouvait le faire, qui aurait pu croire que la grâce divine eut réellement le pouvoir de convertir des cœurs humains? Jésus était la beauté même de la sainteté. Durant sa passion, les hommes avaient eux-mêmes déchiré tous les voiles dont l'humilité et la réserve pouvaient entourer sa sainteté. Son humilité, sa douceur, sa patience, sa modestie, toutes découvertes et brillant du plus vif éclat, s'exerçait ouvertement et héroïquement au milieu des outrages les plus grossiers. Et cependant les hommes n'étaient pas gagnés. Il y avait les gardes qui la nuit précédente avaient été renversés en arrière dans le jardin. Il y avait ceux qui s'étaient tenus le plus près de lui pendant la flagellation, ceux qui, comme Pilate, avaient parlé avec lui, ceux qui l'avaient conduit chez Hérode et l'en avaient ramené. Il y avait à son côté le larron impénitent. La grâce émanait continuellement de Jésus, sa prière efficace était incessante. Marie elle-même intercédait avec ardeur, et cependant, lorsque se coucha le soleil du vendredi, qu'elle était maigre la moisson visible que toute cette grâce avait rentrée dans ses greniers. Jamais personne n'eut à marcher pour la foi simple et confiante comme Marie en ce jour-là, il y avait dans son seul cœur assez de foi pour sauver un monde entier. Une autre particularité de cette cinquième douleur se trouve dans les sept paroles que notre Seigneur prononça sur la croix. Si elles percèrent le cœur de Marie comme de sept glaives acérées, si elles atteignirent des profondeurs de l'âme où nos afflictions n'atteignent jamais, ce n'était pas simplement parce que la mère y reconnaissait les accents bien connus d'un fils mourant, parce qu'elle y rattachait des souvenirs, et que les circonstances et le silence même leur prêtaient un nouvel intérêt. Ce n'était pas seulement à cause de la beauté suprême des paroles elles-mêmes, qui révélaient, comme la mort le fait quelquefois, une beauté intérieure et imprévue dans l'âme. Ce n'était pas seulement parce que, comme la musique secrète d'une poésie, qui trouve un écho dans l'âme, elle réveillait en Marie le souvenir d'autres paroles de Jésus, répandait la lumière sur divers mystères, et jouait avec habileté sur les différentes touches et les clés variées des merveilleuses affections d'un cœur auquel elle disait ce qu'elle ne nous disent pas, et ce que nous ne pouvons même conjecturer. Mais c'est qu'elles étaient les paroles de Dieu, des paroles telles que celles dont il est parlé dans l'Épître aux Hébreux, 1, 4, 12, vivantes et efficaces, et plus pénétrantes qu'une épée à deux tranchants, elles atteignent jusqu'au fond de l'âme et de l'esprit, jusque dans les jointures et dans les moelles, et elles démêlent les pensées et les intentions du cœur. Telle fut leur opération dans le cœur de Marie, Elles la pénétrèrent comme le son d'une trompette semble pénétrer les retraites de notre oui, subtiles et rapides, elles portèrent la douleur comme par des brèches multipliées, où autrement elles n'auraient pu atteindre. Elle était le cèdre brisé, la flamme qui se partage, le désert ébranlé de Kadès, dans le psaume 28e. La voix de l'Éternel est sur les eaux, le Dieu glorieux fait tonner, l'Éternel est sur les grandes eaux, la voix de l'Éternel est forte, la voix de l'Éternel est magnifique. La voix de l'Éternel brise les cèdres, l'Éternel brise les cèdres du Liban. La voix de l'Éternel jette des éclats de flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. Nous avons déjà fait remarquer, entre le crucifiement et l'Annonciation, une ressemblance qui est une particularité de la cinquième douleur. Marie devint notre mère au moment précis où elle perdit Jésus. C'était là, pour ainsi dire, la cérémonie de clôture des 33 années que Marie avait passées avec Jésus dans la communion la plus intime. C'était, en même temps, le début solennel de cette vie de Marie dans l'Église, à laquelle toute âme baptisée est redevable de plus de bénédictions qu'elle ne le soupçonne. Dans la troisième douleur, Jésus avait parlé à Marie avec une dureté apparente, comme si son office de mère eût été alors éclipsé par la mission dont Jésus avait été chargé par son Père éternel. Dans cette cinquième douleur, il submerge, pour ainsi dire, sa maternité divine dans une nouvelle maternité humaine. De toutes les paroles que Jésus adressa jamais à Marie, peut-être n'y en eut-il pas deux qui fussent plus remplies de mystère et qui fissent naître une plus profonde douleur dans son âme, que celle qu'il lui avait dite dans le temple, et que celle qu'il venait de lui dire sur la croix. Elles sont en parallèle l'une avec l'autre. Avec un amour pour les âmes tel que celui de Marie, amour immensément accru par les événements de ce jour-là, la maternité des pécheurs amenait avec elle une augmentation énorme d'affliction. La multitude des hommes qui erraient alors sans pasteur sur la surface de la terre. La multitude sans cesse croissante de ceux que devaient produire les siècles à venir, Marie les reçut tous dans son cœur. En même temps, une lumière surnaturelle lui montrait de la manière plus claire toute la malice du péché. En même temps, elle avait la perception la plus vive du sort malheureux et de la misère profonde des pécheurs dont elle voyait sans nuage la volonté trop efficacement rebelle à la grâce, et à cette vue se joignait la plus profonde appréciation de l'horreur de leur exil éternel au milieu des ténèbres et des flammes de l'enfer. La parole de notre Seigneur effectua ce qu'elle exprimait. C'est pourquoi elle fit de Marie la mère des hommes, non seulement par une proclamation extérieure et officielle mais dans la réalité du cœur. Jésus ouvrit dans le cœur de sa mère de nouvelles sources inépuisables d'amour, en sorte qu'elle aima les hommes comme il les aimait lui-même, et que ce cœur maternel s'approcha d'eux aussi près qu'il l'était du sien. Il se multiplia lui-même, pour ainsi dire, des millions de fois dans les âmes des pécheurs, et donna à Marie assez d'amour pour eux tous. Et quel amour, si constant, si brûlant, si éloquent, si élevé au-dessus de tout amour maternel terrestre, en espérance, en tendresse et en persévérance. Et qu'était ce nouvel amour ? Si ce n'est une nouvelle faculté pour souffrir, nous ne pouvons comprendre comme il faut la douleur de Marie au crucifiement, dans aucune circonstance, simplement parce que cet amour est au-dessus de nous. Nous ne réussirons même nullement à nous en former les idées justes qui sont à notre portée, si nous ne nous rappelons que Marie devint notre mère au pied de la croix, non simplement par sa nomination à cet office, mais par une véritable création de la parole puissante de Dieu, création qui, à ce moment, agrandit le cœur brisé de Marie, le remplit de nouvelles et vastes affections, en causant par là un accroissement incommensurable à ses souffrances. Elle souffrit vraiment les douleurs de l'enfantement lorsque nous naquîmes. Les peines de la malédiction prononcées sur Ève environnèrent d'une manière inexprimable l'âme sans tache de Marie, à cette heure de notre nativité spirituelle. Nous ne devons pas omettre de compter aussi parmi les particularités de la cinquième douleur ce qu'elle a de commun avec la quatrième, et ce qui forme un contraste si frappant avec la sixième, savoir l'impuissance où se trouvait Marie d'approcher de Jésus pour lui donner ses soins maternels. La douleur est si mobile dans le cœur humain, que ce qui sera pour Marie un sujet de douleur par la plénitude de sa présence dans la descente de la croix, est ici une douleur pour elle par son absence. Mais ils ont peu souffert, et trop peu pour leur propre bien, ceux qui n'ont pas appris depuis longtemps à comprendre cette contradiction. Il est difficile pour une mère de se tenir en repos auprès du lit de mort de son fils. Le chagrin a besoin de s'occuper. Les besoins du malade sont la distraction de sa mère affligée. Il faut que l'oreiller soit rendu plus doux, que les cheveux soient écartés des yeux, que ses gouttes de sueur sur le front soient essuyées, que ses lèvres pâles soient continuellement humectées, que cette main trop blanche soit réchauffée par de légères frictions, que ce rideau soit repoussé en arrière pour donner plus d'air, que ses yeux affaiblis soient garantis de la lumière, que les couvertures trop lourdes soient éloignées de cette poitrine oppressée. Lors même qu'il est évident que le contact le plus léger et le plus doux de ces tendres soins est une nouvelle souffrance pour le malade, la main de la mère a peine à se retenir, car son cœur est dans chacun de ses doigts. Rester tranquille est la désolation de son âme. Elle pense que ce n'est ni l'habileté ni l'expérience de la garde malade qui inspire ses prescriptions, mais la dureté d'un cœur qui n'est pas celui d'une mère. Aussi se révolte-t-elle intérieurement contre l'autorité de cette femme, lors même que la crainte d'être cruelle retient ses mains. Ne faut-il pas que cette écume soit ôtée de la bouche de l'enfant ? Cette longue boucle de cheveux ne le gêne-t-elle pas en tombant ainsi en travers de son œil et en obstruant sa vue? Cette main glacée n'a-t-elle pas besoin qu'on y ramène le sang doucement, tout doucement? Elle oublie que l'œil est vitreux et ne voit plus, que le sang s'est retiré au cœur, et que la main même d'une mère ne peut plus le faire revenir. Elle s'assied donc en murmurant et concentrant toute sa douleur dans son inaction forcée. Pensons à ce que Marie souffrit durant ces trois longues heures au pied de la croix. Y eut-il jamais un lit de mort si gênant, si dur que ce bois grossièrement taillé? Être suspendu par des clous enfoncés dans les mains, tandis que le corps, en s'affaissant, tend de plus en plus, par son propre poids, à être entraîné en bas, y eut-il jamais une posture qui causa de plus grandes tortures? Où était l'oreiller pour la tête de Jésus? S'il essayait de la reposer contre l'inscription ou contre la croix, la couronne d'épines la renvoyait en avant, si la tête retombait sur la poitrine, elle ne pouvait y atteindre, et tout le poids se reportait en avant des clous. Des ruisseaux de sang, en coulant lentement sur les plaies de Jésus, les irritaient d'une manière si cruelle et y causaient une sensation si pénible qu'elles agitaient tout son corps. Ses yeux étaient importunés par le sang liquide ou à moitié coagulé, sa bouche, haletante de soif, était aussi obstruée par une croûte de sang, que l'haleine semblait humectée de moins en moins. Il n'y avait pas un membre qui ne réclamât la tendre main d'une mère, pas un, où son contact n'eût adouci une multitude de douleurs. si elle eût pu y atteindre. Mère, avez-vous un nom par lequel nous puissions appeler cet ardent désir qu'avait Marie de lisser cette chevelure, de nettoyer ses yeux, d'humecter ses lèvres si chères qui venaient de proférer de si belles paroles, de reposer cette tête bénie sur son bras, de soulever ses mains palpitantes et de soutenir quelques instants la plante de ses pieds meurtris et la serrer? Cela ne fut point accordé à Marie, et cependant elle restait là toujours calme, immobile comme une statue, non point par indifférence, ni par stupeur, mais dans cette attitude d'adoration respectueuse et affligée, convenable chez une créature dont le cœur était brisé, et qui sentait le bras même de l'Éternel se placer autour d'elle, la soutenant pour qu'elle vécût, qu'elle aimât, et qu'elle souffrit en silence. Nous devons aussi nous rappeler que l'abandonnement de Jésus par son Père était pour Marie ce qu'il ne peut être pour nous. Dans les mystères religieux, nous sommes continuellement obligés de prendre des mois pour des choses. Nous parlons de la génération éternelle du Fils et de l'éternelle procession du Saint-Esprit, mais nous ne pouvons pas embrasser la sagesse, l'éclat, l'amour, la tendresse, le pathétique, si nous pouvons hasarder ce mot, qu'implique ces actes de la vie divine. Par conséquent, ces paroles ne nous présentent pas une variété de sensations, de sentiments et d'émotions que nous comprenions bien, nous les concevons seulement par un simple acte d'amour et d'adoration. Cependant, ces paroles ont plus de signification pour les théologiens que pour les chrétiens ignorants, plus pour les saints que pour les théologiens, plus pour les élus dans le ciel que pour les saints de la terre. Mais notre amour devrait être proportionné à notre science, et il en est ainsi dans le ciel. Ainsi, nous ne comprenons que d'une manière confuse le délaissement de Jésus sur la croix, bien qu'il remplisse nos esprits d'une horreur sacrée. Nous voyons plutôt que c'est un mystère, que nous ne voyons en quoi consiste le mystère. Il arrive souvent que c'est l'obscurité même des choses divines qui nous rend capables de les endurer. Qui pourrait vivre s'il voyait réellement l'enfer tel qu'il est, s'il voyait à chaque instant des âmes immortelles y entrer pour l'éternité, afin d'y subir les châtiments les plus affreux et les plus horribles? Nous respirons le doux parfum d'une fleur, et, au même moment, une âme est condamnée. Nous regardons avec crainte et amour l'élévation de l'hostie et du calice, et, en même temps, les portes de cette prison de feu se ferment sur un grand nombre d'âmes. Nous nous étendons sur l'herbe, et nous regardons les nuages, blancs comme la neige, que le soleil frappe de ses rayons et qui se plongent dans le ciel comme dans une mer d'azur, et pendant ce temps-là, l'enfer est au-dessous du gazon que nous foulons aux pieds. À une distance moindre que ce diamètre terrestre qui nous est connu, il est là, vivant, populeux, inexprimable. Ses flammes mugissantes et ses innombrables bruits d'agonie sont étouffés par le sol qui couvre une croûte plus rude et cependant à peine fermée. Quelle agonie ce serait là, si nos esprits avaient assez d'étendue pour en comprendre la réalité. Cependant, si nous la comprenions comme il nous arrive de le faire quelquefois pendant un moment, nous ne pourrions continuer à vivre plusieurs heures, si toutefois nous ne mourrions pas sur le champ, car si la malice d'un péché véniel, montré par Dieu à une sainte, était capable de produire la séparation immédiate du corps et de l'âme sans une miraculeuse intervention de Dieu. Que doit être la vue des innombrables énormités de l'enfer, jointe à tout ce cas de hideux l'impénitence finale et l'horreur inexprimable de son châtiment. Il en est de même quant à l'abandonnement de notre Seigneur. Personne ne le comprit comme le fit Marie. Toute la théologie merveilleuse que cet abandon renfermait était peut-être claire pour la Sainte Vierge. Du moins elle y voyait ce que nul autre, pas même un ange, n'y pouvait voir. C'est pourquoi, pendant que ce délaissement faisait naître en Marie les émotions variées les plus vives et la plus sensible affection, il la plongeait en même temps dans une nouvelle douleur, en transportant tout d'un coup la passion de Jésus dans une autre sphère plus terrible. L'universalité des souffrances de Marie est aussi une autre particularité de la cinquième douleur, et, en cela elles étaient comme une ombre de la passion. Qui pourrait compter la variété des douleurs que continrent ces trois heures? Quelle partie de la nature sans tache de Marie n'était pas couverte de souffrances spéciales? Il n'y avait pas une place où une douleur pût être greffée ou la main de Dieu n'en eût inséré une. Elle était aussi complètement submergée dans l'affliction qu'un poisson l'est dans les profondeurs de la mer. L'omniprésence même de Dieu qui l'entourait, était pour Marie une omniprésence de souffrance, de même que les feux qui punissent le péché ont une efficacité si terrible, parce que Dieu a voulu que leur nature fût pénale. Ainsi les douleurs surnaturelles de notre Sainte Mère sur le calvaire étaient d'une efficacité si terrible parce qu'elles étaient destinées à porter la souffrance aux dernières limites dans lesquelles la créature put les supporter, afin que la sainteté de la Sainte Vierge, son élévation et ses mérites puissent surpasser ceux de toutes les autres créatures réunies, excepté la nature créée de son Fils. Les sens de Marie n'avaient pas un seul passage par lequel la douleur n'entrât avec force comme des flots qui se pressent dans un canal étroit. Il n'y avait pas une faculté de l'esprit qui ne fût illuminée ou plutôt brûlée par une lumière qui blessait la nature et lui causait de la douleur. Les affections avaient été immolées les unes après les autres au pied du calvaire, et le prêtre zélé n'avait pas épargné ses victimes. La volonté avait été soumise à la dernière épreuve pour le plus inouï des consentements que la justice dévorante de Dieu eût jamais exigé. L'âme était crucifiée. Le corps était la proie frémissante de l'agonie mentale. Les pieds étaient fatigués à force de supporter le corps debout. Les mains étaient teintes du sang de Jésus, et les yeux remplis de son propre sang. Comment le Seigneur a-t-il couvert de ténèbres la fille de Sion? Elle ne cesse de pleurer pendant la nuit, et ses larmes sont sur ses joues. Il n'y a pas un qui la console de tous ceux qui lui étaient chers. Il a envoyé d'en haut un feu dans mes os qui les a consumés. Il m'a châtié. Il a tendu un ray à mes pieds et m'a fait tomber en arrière. Il m'a rendue désolée et languissante pendant tout le jour. Le Seigneur a renversé tous les hommes vaillants que j'avais au milieu de moi. Il a fait venir sur moi le temps qu'il avait marqué pour mettre en pièces mes soldats choisis. Le Seigneur a foulé le pressoir contre la Vierge fille de Judas, c'est pour cela que je pleure et que mes yeux se fondent en eau. Car le Consolateur qui devait me redonner la vie s'est retiré de moi. Mes enfants sont perdus parce que l'ennemi est devenu le plus fort. Mon cœur est renversé dans moi-même parce que je suis rempli d'amertume. Au dehors, l'épée a détruit, et au dedans c'est comme la mort. Vous tous qui passez par le chemin, regardez et voyez s'il est une douleur semblable à ma douleur. Car le Seigneur m'a foulé comme le raisin, lorsqu'il m'a affligé au jour de l'ardeur de sa colère. 1. Lamentation. Enfin, il y avait en Marie l'incapacité de mourir avec Jésus. Bien souvent l'unique et véritable consolation de l'affligé serait de mourir avec celui qu'il a perdu. Un cœur a été la lumière de notre vie. Lumière permanente durant de longues années, au milieu d'une fortune variée, la lumière qui brillait dans le ciel bleu de la prospérité, qui brillait encore davantage dans les sombres nuages de l'adversité. Maintenant cette lumière est éteinte par la mort. Pourquoi survivre? Quel sens la vie peut-elle avoir désormais pour nous? Ce cœur refroidi était le point central de toute avenue. Toutes nos perspectives se terminaient là. Nous n'estimions aucun passé où ce cœur ne fut pas. Nous ne voyons aucun avenir dans lequel ce cœur ne jouait son rôle. Là aboutissaient tous nos plans. C'était le point sur lequel nous avions concentré toutes nos espérances, et maintenant cette base s'écroule et nous tombons sans savoir où nous conduira notre chute. Ah, cette perte est vraiment la fin de notre vie, bien plus réellement que la simple séparation physique de l'âme et du corps. Les apôtres, et surtout Thomas, dont le cœur était prompt et affectionné, désirait mourir avec Lazare, simplement parce que Jésus aimait beaucoup ce dernier. Oh, assurément nous pouvons tous nous rappeler des jours qui étaient comme la fin du monde pour nous, jours qui ne devaient pas selon nous avoir de lendemain. Nous voyons encore ce lit chargé d'un triste fardeau, ce spectacle sublime de terreur qui nous transportait à la fin des temps, aux limites du monde, au seuil même de l'éternité. Ce chagrin avait été prévu depuis longtemps, et cependant les paroles ne pourraient exprimer combien il était cruellement inattendu, quand enfin il arriva. Toutes nos espérances et nos craintes étaient là rassemblées comme si le juge venait alors pour nous régler. Les choses ordinaires ne pouvaient après cela poursuivre leur cours, ni les devoirs journaliers se présenter devant nous. Les habitudes étaient rompues. C'était une fin si cruelle de tant de choses. Il était aussi affreux de n'avoir nulle perspective devant nous, qu'il l'est de n'avoir pas d'espoir. C'est pourquoi nous désirions nous étendre et mourir sur le même lit, être remis dans la même tombe, quoiqu'il semblât étrange que quelqu'un restât après nous pour nous ensevelir, tant il semblait que ce fût une fin universelle. Telle est l'extrémité cruelle de l'affliction humaine. La douleur de la Sainte Vierge était tout autre. La fin des 33 années ne ressemblait à aucune autre fin. Son Fils était Dieu, tout est là. Pensons après cela à la misère inexprimable de la vie prolongée de Marie quand celle de Jésus fut terminée. Cette douleur ne peut être expliquée, mais nous pouvons la sentir dans une région plus profonde que celle des paroles. Nous pouvons contempler comme une lumière située au-delà de la région où la pensée peut saisir les objets. Cette séparation actuelle de Jésus et de Marie, la dissolution de cette union qui avait été le divin mystère du monde pendant toutes ces années merveilleuses et peuplées de miracles. Qui de nous peut dire à quoi ressemble l'affliction quand elle a dépassé le point auquel elle nous tuerait, et que nous ne pouvons plus vivre que par un miracle d'en haut? Telle fut l'affliction de notre mère quand notre Seigneur rendit son âme entre les mains de son Père. Mais, des particularités de la cinquième douleur, passons aux dispositions dans lesquelles la Sainte Vierge l'endura. Décrire ces dispositions est toutefois une tâche impossible. Nous lisons les vies des saints, et nous voyons dans chacun d'eux une sainteté intérieure particulière, quelquefois différente de celle de tous les autres que nous connaissons, quelquefois de même nature que l'esprit d'un autre saint, quelquefois encore, quoique rarement, pouvant se grouper dans des classes nombreuses. Beaucoup des grâces dont on nous parle n'ont pas de nom dans la nomenclature des vertus auxquelles leurs dispositions sont analogues. Nous nous étonnons en lisant la vie des saints. Nous sommes éblouis par les lumières qui ne cessent de briller sur les beautés de la sainteté. Cependant, nous savons que ce que nous voyons n'est, pour ainsi dire, rien auprès de ce que nous ne voyons pas. Comme la reine du Midi disait de Salomon, la moitié n'en est pas racontée. Tout ce qui vient à la surface est une simple indication des profondeurs qui sont au-dessous. C'est à peine assez pour laisser deviner la beauté intérieure que l'œil de Dieu considère dans l'âme sanctifiée. Mais s'il en est ainsi des saints, Combien plus encore cela est-il vrai de la Sainte Vierge? Il est dit d'elle expressément que la beauté de la fille du roi est tout intérieure, et quand, dans le cantique, notre Seigneur décrit cette beauté, il répète deux fois, outre ce qui reste caché au-dedans. Il est donc impossible de parler dignement de la beauté intérieure de Marie. À mesure que nous considérons chaque douleur, il devient plus difficile de parler des dispositions qui l'accompagnent. Pour exprimer des choses qui sont extraordinaires, nous sommes obligés d'employer des mots ordinaires et qui ne sont liés qu'à ce qui est ordinaire. La réalité continue à s'élever de plus en plus au-dessus des paroles, jusqu'à ce que celle-ci à la fin nous égare presque, au lieu d'éclaircir le sujet, et il nous faut répéter les mêmes expressions pour les dispositions qui sont devenues différentes dans le passage d'une douleur à une autre, aussi bien par la nouveauté de leur exercice que par la magnificence croissante de leur héroïsme. Ainsi nous ne pouvons rendre justice à la vie intérieure de notre Sainte Mère, car la profondeur et la grandeur de cette vie sont suffisantes pour nous en empêcher. Marie est une de ces visions divines qui se déploient avant le développement de la sainteté, et qui, comme le fait la vision bienheureuse elle-même, excite toujours les désirs dans celui qui la contemple, tout en satisfaisant son âme d'une manière inexprimable. Mais il y a une autre raison de cette difficulté qui porte surtout sur les douleurs de Marie. C'est la puissance de comprendre toute la réalité du présent. Ceci a besoin d'explication. Il ne nous arrive presque jamais, soit dans la douleur, soit dans la joie, d'embrasser tout le présent simultanément. Nous réalisons pour ainsi dire en détail nos affections et nos joies. Nous y trouvons constamment de nouveaux traits, et y découvrons des particularités qui ne nous avaient pas frappés tout d'abord. En tout ce qui nous arrive, ce qui est implicite dépasse toujours ce qui est exprimé. C'est ce que nous voulons dire quand nous parlons d'une douleur croissante. Ce n'est pas la douleur qui croît, c'est l'appréciation que nous en faisons, et ce progrès tient à l'imperfection de nos esprits. Tout ce que les années déroulent, nous apportent et nous donnent, se trouvait renfermé dans un acte passager, que ce fût une mort, une infortune, ou une disgrâce, au moment même où cet acte eut lieu. Seulement nous étions incapables de l'embrasser tout entier. De là vient que nous paraissons souvent plus héroïques dans la douleur que nous ne le sommes réellement. Nous ne portons de notre fardeau que ce que nous envoyons, et nous n'envoyons qu'une portion. Notre Père Céleste le fait descendre sur nous graduellement, en partageant le poids entre sa propre main et nos épaules, jusqu'à ce que l'habitude nous rende capables de supporter la pression entière sans être écrasés. Nous nous livrons entre les mains de Dieu, nous engageant à ce qui est implicite, tandis que nos yeux sont fixés sur ce qui est exprimé. Quoique nous ayons agi un peu à l'aventure, nous parvenons à supporter notre douleur, non tant par notre propre courage que par la grâce de Dieu. Il arrive même quelquefois que nous perdons un ami dont la mort ne nous affecte que modérément. Nous ne voyons pas clairement le vide qu'il a fait en quittant la vie. Les années s'écoulent et les circonstances changent. Tout à coup, par degrés, nous sentons que notre ami nous manque. Nous ne pouvons nous passer de lui. C'est précisément en ce moment qu'il nous fait défaut, mais il n'est pas possible de le remplacer. Sa perte est irréparable et va devenir bientôt intolérable. Il nous semble que quelque chose que nous avions à accomplir ne puisse l'être, précisément parce que cet ami était la partie de notre vie nécessaire pour le but que nous nous proposons, et que maintenant il n'est plus ici. Si nous perdons avant la mort un ami faux, cruel, soupçonneux, il ne nous fait jamais faute. Il n'arrive jamais que nous ayons besoin de lui. Nous trouvons qu'il a été toujours en réalité en dehors de notre vie. Il est chassé de notre esprit avec une sorte de triste soulagement à la pensée que tout est fini avec lui. Et nous avons la pieuse consolation de nous dire qu'après tout nul amour n'est perdu si à un moment quelconque ou pour quelque objet que ce soit, il est uni à l'amour de Dieu. Mais il n'en est pas ainsi à l'égard d'un ami véritable, sa perte n'est jamais oubliée. Le souvenir nous en revient sans cesse, et attendrit nos cœurs comme le ferait le contact même de son esprit. Tout cela vient de ce que le présent est trop rempli par la réalité, de sorte que nous ne pouvons rentrer tout d'un coup dans nos âmes. Ainsi nous sommes toujours en arrière avec la vie, ne nous comprenant nous-mêmes et les autres, et Dieu surtout, que lorsqu'il est trop tard. Nous ne pouvons aller aussi vite que le présent, par l'intelligence ou par le sentiment. Nous pouvons seulement le faire par une aptitude spirituelle qui nous excite à agir, à souffrir, et par-dessus tout à nous aventurer sous l'impulsion des instincts de la grâce. C'est ainsi que les douleurs sont pour la plupart moins pénibles à supporter qu'elles ne le semblent, car nous les supportons par degrés, presque à notre insu. Mais il n'en était pas ainsi pour la Sainte Vierge. Elle sentait la douleur dans la plénitude de sa présence, elle l'embrassait dans la tranquillité de sa vaste intelligence. Une douleur se révélait à Marie dans son entier, et pressait ainsi de tout son poids à la fois sur son âme. Ainsi ses douleurs sont plus grandes qu'elles ne le paraissent, elles croissent en nous, mais elles ne croissaient pas en Marie. C'est là ce qu'il faut avoir soin de nous rappeler quand nous parlons de ses dispositions dans ses souffrances. La peine de Marie était d'une nature différente des nôtres, parce qu'elle voyait le présent d'une manière complète dans toute sa réalité. Aussi, ses dispositions, que la pauvreté du langage nous oblige d'appeler des mêmes noms, devraient être agrandies et multipliées de manière à les rendre complètement distinctes. Après ces explications, nous devons tout d'abord examiner, comme nous nous sommes eus à le faire dans les autres douleurs, la tranquillité de notre Sainte Mère. Si nous passons en revue les nombreuses horreurs du crucifixion, et si nous voyons les divers assauts d'affliction dont l'âme de Marie était le centre, il semblera que le calme était précisément la grâce dont l'exercice devait être impossible. Si nous ne savions que Dieu est la paix éternelle, nous trouverions quelque chose qui est presque déplacé dans une sainteté qui conservait le calme le plus profond à un semblable moment. En nous la vivacité du sentiment est, pour la plupart du temps, accompagnée d'agitation. Ce qui fait qu'il nous est difficile de comprendre l'union de la plus cruelle douleur et de la plus délicate sensibilité avec un calme qui semble pour ainsi dire impassible. Parmi les hommes, le calme dans l'affliction n'est qu'une marque d'insensibilité. La paix de la Sainte Vierge est comme celle de Dieu, elle ne se trouble pas au bruit de 10 millions de mondes. La terrible révolte du péché n'y porte point atteinte et elle demeure maîtresse d'elle-même dans le débordement des flammes les plus brûlantes de l'amour. Rien ne nous découvre d'une manière plus étonnante l'union de Marie avec Dieu que ce calme non interrompu. Où est Dieu, il ne peut y avoir de trouble, et il n'y avait pas dans la nature de la Sainte Vierge un point où Dieu ne fût, et qu'il n'occupât sans partage avec la plus entière souveraineté. De là vient que, pendant qu'une horreur succédait à une autre, il n'y avait dans l'âme de Marie ni épouvante, ni stupéfaction, ni égarement. Lors même que le mystère découvrait les abîmes les plus étranges de la souffrance, les conseils de Dieu ne semblaient pas prendre par surprise sa créature choisie. Dans quelle présence constante de Dieu cette âme n'a-t-elle pas dû demeurer? Combien toutes ses facultés n'ont-elles pas dû être exercées pour correspondre aux voies divines à la première vue, et pour y correspondre avec une promptitude si parfaite et avec une dignité si calme. Combien chaque affection de Marie doit avoir été subordonnée à la puissance instantanée de la grâce, tandis que cette subordination accroissait l'indépendance de ses affections de manière à rendre leur faculté d'aimer et de souffrir mille fois plus grande. Il n'y avait en Marie ni effort, ni lutte, ni pause, il n'y avait pas signe que sa vie intérieure sentît la pression des circonstances extérieures. La créature allait d'un pas égal avec le Créateur, et les anges étaient émerveillés du repos divin et des magnificences de la dépendance de Marie. C'est de ce calme que procédait son courage silencieux. Nous devons nous rappeler que, bien que pour Marie, survivre à une si grande douleur fût une chose miraculeuse, cependant sa patience à supporter cette douleur n'était pas un miracle, mais une grâce. Sa vie lui était conservée par la main de Dieu, mais, au milieu de ses souffrances, elle ne reçut pas de soutien qui, pendant un seul moment, pût diminuer le mérite suprême de sa patience. Il y avait donc là une vertu de force telle que le plus glorieux esprit dans le cœur des trônes ne pourrait y atteindre. C'était un courage dont le silence même montrait à la fois la rigueur de l'épreuve et la vraie générosité. Ce silence même était une autre preuve de l'union merveilleuse avec Dieu, car ceux qui ont le plus avec lui perdent l'habitude de parler et acquièrent, en place, l'habitude surnaturelle d'écouter. Marie ne parlait pas parce qu'elle se reposait en Dieu, elle ne se recueillait même pas pour souffrir, ni ne préparait son courage pour le combat, elle laissait le fardeau la surprendre quand il la trouvait, elle ne hâtait ni ne ralentissait le pas. Comment une résolution si calme pouvait-elle être en même temps si forte? C'est une question que notre connaissance limitée sur la sainteté est tentée de faire. La réponse est facile. La force de cette résolution était dans son calme même. Mais si nous comprenons les mots, comprenons-nous la chose, mesurons-nous dans l'âme de Marie la disposition dans laquelle cette force si grande était unie à la simplicité enfantine d'un calme que rien n'étonnait? De la tranquillité de Marie, nous passons à son courage silencieux, de son courage silencieux à sa générosité. Ils sont dans son âme comme de vastes salles où nous n'osons parler qu'à demi-voix de peur d'éveiller les échos, et où nous contemplons, sans faire de questions, les magnifiques trophées suspendus aux murailles. Une créature n'a qu'une volonté à sacrifier à Dieu, et quand elle l'a donnée irrévocablement, quelle autre oblation lui reste-t-il à faire? Alors toute la générosité n'est que la persévérance dans la première grande générosité, et si la persévérance est une chose plus grande que l'acte ou la disposition dans laquelle nous persévérerons, il en est ainsi seulement dans sa plénitude et non dans chacun de ses degrés séparés. Cependant, il semblait que Marie eût des volontés sans fin à donner à Dieu, et qu'elle vînt aussi vite qu'elle pouvait les appeler. La volonté divine éprouvait Marie de toutes parts, et partout cette volonté trouvait la plus entière soumission. Il n'y avait en Marie ni manque, ni retard, rien d'inégal, il y avait certainement un effort. Comment ne fera-t-elle pas d'effort, quand elle est obligée de ne pas rester en arrière de Dieu, surtout quand sa justice terrible pressait les roues de son chariot à travers la mer rouge de la passion? Mais c'était un effort de la paix la plus céleste, de la plus onctueuse adoration. Quand Dieu marchait d'un pas plus rapide, Marie hâtait aussi le sien, la volonté de Marie se conformait d'autant plus promptement à celle de Dieu, qu'il exigeait d'elle davantage. L'âme de Marie semblait devenir plus infatigable à mesure qu'elle était plus fatiguée, comme les âmes des bienheureux, qui aime et qui adore sans fin à mesure qu'elle pénètre de plus en plus profondément dans la vision de la Sainte Trinité. Mais la pensée même de cette générosité suprême en Marie nous conduit, des dispositions de notre Sainte Mère, aux leçons que la cinquième douleur nous enseigne. La quatrième douleur nous a enseigné comment nous devons porter nos croix, la cinquième nous enseigne à leur rester fidèles. Il ne faut pas que nous quittions la croix, nous ne devons pas descendre du calvaire avant d'être crucifiés, et que la croix et nous soyons devenus inséparables. Mais le calvaire est le grand théâtre de l'impatience humaine. Beaucoup ont le courage de gravir la colline, portant bravement leur croix sur leurs épaules. Mais, quand ils arrivent au sommet, ils posent leur croix à terre et descendent dans la cité pour prendre part au reste de la fête avec le peuple. Quelques-uns se laissent dépouiller, mais ils se retirent alors, refusant de se laisser attacher à la croix. D'autres y sont cloués, mais se détachent avant l'élévation de la croix. Quelques-uns supportent le choc de l'élévation, puis descendent de la croix avant que les 3 heures soient passées, ceux-ci dès la première heure, ceux-là dans la seconde, d'autres, hélas au moment même où la 3e heure est près de sa fin. Hélas, le monde est plein des déserteurs du calvaire, et il en est tellement plein que la grâce prudente ou dédaigneuse semble peu s'inquiéter de les arrêter, car la grâce ne crucifie nul homme malgré lui, elle laisse ce travail au monde et il le fait traîtreusement et tyranniquement. Les hommes paraissent croire que respirer l'air frais sur le sommet du calvaire pendant une demi-heure agira sur eux comme un charme, que le crucifiement, comme un bain dans l'eau froide de la mer, leur donnera une ardeur d'autant plus salutaire et leur fera éprouver une réaction d'autant plus sensible qu'il aura duré moins longtemps. Mais malheureusement il n'en est pas ainsi. La douleur est une lente ouvrière et le crucifiement une longue affaire. Un arbre prend racine dans un terrain nouveau plus vite que la croix dans un cœur nouveau. Mais tout cela n'est nullement agréable à l'impétuosité de notre nature. Nous voulons bien que notre sanctification ressemble à une opération douloureuse, mais nous désirons que cette opération soit de courte durée. Nous ne pouvons attendre si elle vient sous la forme d'une guérison graduelle qui de nous, en essayant de détruire le moi dans un de ses moindres détails, n'en a reconnu avec étonnement l'immense et désolante vitalité. Combien n'y a-t-il pas de grands esprits qui ont été loin sur la route de la sainteté avant d'avoir perdu de vue leurs sentiments personnels et leur sensibilité blessée? Oh que la grâce ne reste-t-elle alors pendant nos 3 heures entières sur le sommet du calvaire? Peut-il y avoir un spectacle plus triste sur la terre que celui qui nous montre combien nous manquons souvent et facilement d'atteindre à ces grandes hauteurs du ciel? Combien ces âmes à demi crucifiées, que nous rencontrons dans toutes les sociétés, sont étrangement dévoyées de leur place? Triste monument de l'impatience de la nature et de la jalousie de la grâce. Dieu est très exigeant. Ceux qui l'aiment peuvent parler ainsi sans l'en aimer moins, cette pensée même ne fait qu'augmenter leur amour. Ce n'est pas assez pour Dieu que nous restions sur le calvaire nos 3 heures entières. Quand nous ne sommes pas attachés à notre croix, il faut que nous restions debout. Nous ne devons pas nous asseoir, ni nous coucher, ni nous appuyer sur notre croix, comme si ce qui nous attend là, pour que nous soyons crucifiés, était destiné à nous soutenir. S'agenouiller même, ceci est assez significatif, s'agenouiller n'est pas si bien que se tenir debout. Nous allons là pour souffrir, non pour adorer. Notre souffrance se changera en adoration. Nous ne devons pas adorer notre croix, ou dire de belles paroles à son sujet ou nous mettre devant elle dans des attitudes sentimentales. Nous devons faire la chose commune de nous tenir debout près de la croix dans une posture virile. se tenir debout est ce que le cérémonial du calvaire prescrit. Ici encore, quelle triste scène se présente à nous. Heureux si nous n'y jouons pas un rôle nous-mêmes. Il y a des hommes dont le chemin de la croix est plein de promesses, et qui, cependant, gâtent tout sur le sommet du calvaire. Peut-être, s'ils eussent été crucifiés immédiatement, auraient-ils pu bien faire. Mais telle n'était pas la volonté de Dieu. L'attente les a découragés. Leur courage les a abandonnés peu à peu au milieu des crânes hideux qui jonchent les herbes flétries de la montagne. Ils se sont assis, parce que le délai était long. Ou bien ils se sont agenouillés pour demander que la croix pût s'éloigner d'eux. Âmes insensées. Cette prière appartient à Gethsémani et non au calvaire. Nous ne devons pas mettre le commencement où doit être la fin. Ou bien il s'effraie à voir les préparatifs, avoir creusé la fosse, avoir mesuré la distance d'une main à l'autre avec tant de négligence apparente, quoique le moindre manque de soin dans cette opération puisse causer une torture infinie. Il s'effraie à voir aiguiser ses clous émoussés, et puis cet inutile et cruel brandissement du marteau. Quelques-uns refusent d'être dépouillés de leurs vêtements à l'air froid, et ont besoin de l'être presque de force. D'autres sont terrifiés par l'éclipse qui cache les visages amis et les consolations des créatures. Ceux-ci poussent des cris et bondissent dès que le fer froid touche la paume de la première main. Le courage abandonne alors la plupart d'entre eux. Ne vaut-il pas mieux descendre du calvaire, en confessant franchement notre lâcheté, que de nous conduire avec tant de faiblesse sur le sommet de cette colline sacrée? Oh, non, il vaut beaucoup mieux y rester. Plutôt être crucifié à contre-cœur que de ne pas l'être du tout. Restons debout, si nous le pouvons, si nous ne le pouvons pas, souffrons qu'on nous roule ainsi que des blocs de bois, comme si nous étions, morts de peur, et laissons-nous clouer par force, ou à notre insu. Seulement soyons crucifiés, de bonne grâce, s'il est possible, mais de mauvaise grâce, plutôt que pas du tout. Pourquoi y en a-t-il tant qui échouent? Parce qu'ils ne sont pas silencieux. La patience dépend beaucoup du silence. Les forces s'échappent avec les paroles. C'est seulement à l'aide de la grâce du silence que les saints portent de si lourdes croix. Une croix pour laquelle nous avons reçu de la sympathie, est bien plus lourde qu'elle ne l'était auparavant, où il peut arriver que la sympathie nous ait énervé de telle sorte que le poids semble plus grand et la plaie plus douloureuse sur nos épaules. Le silence est l'atmosphère propre de la croix, comme le secret natal. Les meilleures croix sont secrètes, et nous pouvons être silencieux sous celles qui ne sont pas secrètes. Le silence crée réellement pour nous une sorte de secret, même en public, car du moins nous pouvons cacher combien nous souffrons, si nous ne pouvons cacher tout à fait le fait que nous souffrons. Nous pouvons cacher combien de fois nous sommes presque sur le point de succomber sous notre fardeau. Nous pouvons garder pour nous seuls la connaissance de ces particularités individuelles des souffrances qui en sont les points acérés, et qui alimentent la sympathie des autres plus que ne le font de plus grandes choses. D'une manière ou d'une autre, la sympathie humaine profane les opérations de la grâce. Elle mêle un élément avilissant à ce qui est divin. Le Saint-Esprit s'en éloigne parce que c'est une chose qui venant de la terre, est toute terrestre. Le Consolateur ne donne ses meilleures consolations qu'aux cœurs inconsolables. Ceux qui cherchent d'abord les créatures doivent se contenter des créatures, car ils auront beau chercher Dieu, ils ne le trouveront pas ensuite. Ceux à qui Dieu ne suffit pas seul, mais qui veulent mêler avec lui la consolation des créatures, ne découvriront jamais leur triste erreur, car pour eux Dieu n'ouvrira jamais ses trésors qui leur montreraient combien il est différent des créatures. Mais tout cela semble dur à la nature, qui n'a jamais respiré librement sur le sommet du calvaire. Les hommes ne sont pas à l'aise sur les hauteurs des montagnes. À peine s'y arrêtent-ils, si ce n'est pour admirer la magnificence de la vue, parce que la respiration y est trop difficile. Il est très pénible d'éloigner de nous toute consolation. Souvent la sympathie semble être justement ce qui rend notre peine supportable. Eh bien, alors descendons un degré plus bas, ne la rejetons pas, mais ne la demandons pas. Que la sympathie nous trouve sans que nous la cherchions, comme va le monde, nous ne mettrons pas en grand péril ce qui est divin dans nos affections, si nous restons simplement passifs en ce qui concerne la sympathie. Mais cet état passif même est pénible. Comment ne serait-il pas pénible quand il fait partie de notre crucifiement? C'est la plus dure leçon du calvaire. Appliquons-la nous, quoique nous la redoutions, et ne nous décourageons pas parce que nous craignions. Qui a jamais fait bien une chose sans avoir redouté de la faire? Y a-t-il sur la terre une chose digne d'être faite qui ne soit digne aussi d'exciter nos craintes? Mais il y a une vraie consolation, profondément cachée, il est vrai, et cependant à notre portée, dans ce renoncement à toute consolation humaine. C'est dans les ténèbres de la nature que nous trouvons réellement le voisinage de Jésus. C'est lorsque les créatures sont absentes que nous sommes soutenus dans l'embrassement sensible du Créateur. Les créatures apportent l'obscurité avec elles, partout où elles s'introduisent. Elles nous gênent toujours, interceptent les grâces, cachent Dieu, nous privent des consolations spirituelles, nous rendent languissants et irritables. Elles remplissent tellement nos sens extérieurs, que les sens intérieurs de nos âmes sont incapables d'agir. Nous désirons souvent que notre vie soit plus divine, mais elle est en réalité plus que nous ne le croyons. C'est la douleur qui nous révèle cela. Elle nous environne comme le linceul d'une nuit profonde, elle resserre graduellement notre horizon, et le vaste univers se rétrécit pour nous. Il se rétrécit encore. D'abord un objet disparaît, puis un autre. Nous devenons de moins en moins distraits. Notre vie intérieure est mieux éveillée. Notre âme devient forte. Maintenant la ligne de l'obscurité a touché Jérusalem elle-même. Les consolations même de la cité spirituelle ont disparu. C'est à peine si les casques des soldats romains jettent un dernier reflet sur le fond obscur. La verdure de la montagne devient noire. Pendant un instant nous sommes aveuglés, ensuite par degrés la blanche figure de Jésus se détache au milieu de l'obscurité profonde. Son sang coule chaud sur nos mains quand nous saisissons la croix, car ce n'est pas une apparition, c'est la vie. Nous sommes avec Dieu, notre Créateur, notre Sauveur. Il est tout à nous. Il est tel que nous l'a fait l'éloignement des créatures. Il était toujours là, toujours le même dans nos âmes, seulement il était éclipsé par le faux éclat des créatures. Il paraît enfin dans la nuit comme les étoiles. La lune blanche du midi ne nous séduit pas par sa beauté, c'est seulement dans la nuit qu'elle nous charme. De même c'est l'obscurité d'un calvaire spirituel qui répand sur nos âmes la douce clarté de notre admirable Sauveur. La guérison de notre cécité spirituelle n'est pas la seule opération que l'essence de notre âme subit sur le calvaire. Toutes les âmes ont l'ouïe paresseuse à l'égard des sons du monde invisible. L'oreille intérieure s'ouvre sur le calvaire. Les bruits de Jérusalem montent jusqu'à nous à travers les ténèbres, et peut-être aussi les bruits du travail dans les jardins voisins. Mais ils s'élèvent plutôt comme des avertissements que comme des distractions. Ils nous viennent doucement et indistinctement, et ne troublent pas le silence dans lequel nous supportons nos maux, ni les faibles murmures de la prière. Encore moins étouffent-ils le son clair de la voix de notre Sauveur quand il daigne parler. Ici-bas, combien le monde ne nous a-t-il pas rendus sourds par ces bruits tumultueux et n'a-t-il pas harassé nos esprits par la multiplicité de ces bruits? Nous savions que Jésus était à nos côtés, et cependant nous ne pouvions converser avec lui. Nous éprouvions quelque chose de semblable à ce qui nous arrive lorsque nous essayons d'écouter dans les rues au milieu du fracas des voitures et que nos efforts restent sans succès ou nous font tomber dans des méprises embarrassantes. Le monde, qui va poursuivant sa marche, nous étonne tellement qu'il nous empêche d'avancer sur la route du ciel. C'est seulement sur le calvaire que la terre est assez subjuguée pour entrer en concert d'harmonie avec le ciel, car c'est là seulement que Dieu est entendu distinctement, pendant que les bruits mourants du monde murmurent comme une brise, un son qui n'est discordant nulle part, parce qu'il est plutôt l'accompagnement d'un son qu'un son lui-même. Nous ne voyons que deux objets sur le calvaire, Jésus et Marie, et de chacun d'eux nous recevons une leçon, l'une touchant notre propre mort, l'autre touchant la mort des autres. Jésus daigne nous enseigner à mourir. S'il a voulu dans son heure suprême avoir sa mère auprès de lui, comment oserons-nous mourir sans elle? En toute chose nous devons imiter Jésus, quoi que ce soit dans une sphère infiniment au-dessous de lui, mais par-dessus tout il est d'une grande importance pour nous de l'imiter dans sa mort. Si c'eût été bien, Jésus aurait aimé à épargner à Marie cette scène terrible, quoiqu'elle eût peut-être considéré sa propre absence comme une cruelle pitié. Ce fut là sur ce lit de mort qu'elle devint notre mère. Il n'y a sans doute personne de nous dans la bouche duquel la foi ne mette plusieurs fois par jour cette prière universelle, la prière du pape et du paysan, du docteur et de l'écolier, du riche et du pauvre, du religieux et du séculier. Que la Mère de Dieu nous assiste à l'heure de la mort. Mais il nous faut faire entrer cette demande dans toutes nos prières. Laissons à Dieu, sans les lui prescrire, ni même sans les désirer, le temps, le lieu, la manière de notre mort, pourvu seulement qu'elle ne soit pas une mort à laquelle nous ne soyons pas préparés, et par-dessus toute une mort à laquelle nous ne nous soyons pas préparés avec Marie. L'heure de la mort est comme un temps de sécheresse, elle absorbe de grandes grâces. Des vides inattendus s'ouvrent soudainement dans l'âme et engloutissent les années passées, les vieilles habitudes, et mille autres choses dont nous ne pouvons nous passer alors qu'avec peine. Le démon réserve ses armes les plus dangereuses pour la fin. Malheureusement, nous ne pouvons mourir deux fois, et comme la première fois nous accable par sa nouveauté, c'est là un péril redoutable. Il y a de grands sacrements pour cette heure-là, mais pas plus grands qu'il n'est nécessaire. Regardez un homme mourant, voyez comme les absolutions descendent rapidement dans son âme desséchée, de même qu'une pluie d'été dans la terre crevassée, et cependant la lutte de la vie contre la mort se lit encore dans ses yeux. Ayons Marie avec nous, en conséquence d'un accord durable, d'un engagement indissoluble, que Marie soit présente visiblement ou invisiblement, parlant et agissant, ou agissant sans parler, afin de diriger pour nous un cérémonial si difficile, et cependant d'une si immense importance. Cette grâce vaut bien la peine que nous passions toute notre vie à la demander, si seulement nous obtenons l'objet de notre demande. À quoi sert une bonne vie, si elle n'est couronnée par une bonne mort? Cependant, une bonne vie est le plus sûr moyen en notre pouvoir pour obtenir une bonne mort. Il y a eu peut-être comparativement peu de bonnes morts qui ne soient venues à la fin d'une bonne vie. Et ce petit nombre, ainsi que l'affirme tout le monde croyant, a été dû à Marie. Mais une bonne vie est, de toute chose, ce qui amènera le plus sûrement Marie près de nous à l'heure de la mort. Une vie de croix la rencontre une fois pour toutes, les crucifiements appellent pour ainsi dire officiellement sa présence. Si Jésus n'a pas voulu mourir sans Marie, elle ne nous en aimera que davantage si nous refusons de faire autrement, quelque longue qu'ait été l'agonie, quel qu'ait été le trouble d'esprit de l'âme qui trépassait, heureux par-dessus tous les morts à qui Marie a fermé les yeux. Telle est la leçon que Jésus nous enseigne au sujet de notre propre mort. Nous recevons de Marie une autre leçon touchant la mort des autres. La voici. C'est que le dévouement envers ceux qui sont à leur dernière heure est un dévouement comme celui de Marie, et très agréable à son cœur immaculé. Il n'y a pas un moment du jour ni de la nuit où la pompe terrible de la mort ne continue sa marche. Il y a des personnes comme nous ou meilleures que nous, et que leurs amis ont aimées avec raison, plus que les nôtres ne nous ont jamais aimés, dont l'agonie est pleine de détresse, et pour lesquelles la vision éternelle de Dieu tremble incertaine dans la balance. Peut-il y avoir un appel à notre charité plus éloquent et plus touchant? Quand nous pensons à tout ce que Marie a fait pour chacune de ses âmes, pour celles qui, sans cesser à chaque instant, fixent leur éternité par la mort, quand nous nous rappelons la longue suite de grâces qu'elle a procurée à chacune d'elles, et par conséquent l'anxiété de son cœur maternel pour leur persévérance finale et leur salut éternel, nous pouvons comprendre jusqu'à un certain point combien le dévouement dont nous venons de parler lui est agréable. Le lit de mort est un de ses lieux de prédilection. Elle semble y exercer une juridiction tout à fait particulière. C'est là qu'elle coopère visiblement avec Jésus à la rédemption du genre humain. Mais elle cherche à nous faire coopérer aussi avec elle. Elle attirerait volontiers nos cœurs avec le sien, nos prières avec les siennes. N'est-elle pas notre mère à tous ? Les mourants ne sont-ils pas nos frères et nos sœurs dans la douce maternité de Marie? Les intérêts de la famille sont en jeu. Nous ne devons pas nous absenter avec indifférence. Nous devons assister en esprit à toutes les morts qui arrivent par tout le monde, à la mort des hérétiques et des païens, aussi bien qu'à celle des chrétiens. Car ils sont aussi nos frères et nos sœurs, ils ont des âmes, ils ont une éternité à risquer. Marie s'intéresse à eux, et leur éternité est dans un danger plus que double. Combien ceux qui n'ont pas de sacrement n'ont-ils pas un plus grand besoin de prière? Combien la dernière scène de leur vie ne doit-elle pas être plus sombre lorsque la vive lumière de la foi ne l'éclairait pas? Combien les prières ne doivent-elles pas être plus ardentes quand ce n'est pas une grâce ordinaire, mais un miracle de grâce qu'il faut obtenir pour eux? Hélas, ils n'auront pas un seul de nos autres dons, mais du moins ils auront, malgré eux, nos prières affectueuses. Il faut nous rappeler qu'il nous faut mourir aussi. Un jour nous serons dans la même détresse et nous aurons un besoin inexprimable des mêmes prières charitables. On nous mesurera de la même mesure dont nous aurons mesuré les autres, telle est la règle divine de la rétribution. Rien ne nous préparera un lit de mort plus doux qu'un dévouement de chaque jour pendant toute notre vie à ceux qui meurent journellement. Marie aida de beaucoup de manières mystérieuses son fils à mourir. Aussi bien pour satisfaire son amour maternel que par la volonté de son fils, Marie a maintenant assisté des millions et des millions d'hommes au lit de la mort. Elle a à présent une grande expérience si nous pouvons parler ainsi, et elle est merveilleusement versée dans la science de la dernière heure. Par des pensées suppliantes, par des pratiques pieuses, par de fréquentes aspirations, par les pratiques que l'Église a enrichies d'indulgence, gagnons pour nous-mêmes une fin douce et glorieuse, en suivant partout Marie au lit de mort sur lesquels elle veille. Telles sont les leçons que nous recevons de la cinquième douleur. Le crucifixion ne peut être bien compris sans Marie, parce que sans elle il n'est pas représenté fidèlement. Quel tableau que celui de la grand-messe de la rédemption du monde, offerte par Jésus au Père éternel, pendant que des anges sans nombre sont les auditeurs et les spectateurs. Quand l'hostie est élevée, toute la nature inanimée tremble de terreur et d'adoration. La terre se couvre de ténèbres, ce qu'on doit reconnaître dans tous les siècles comme une marque de la présence de Jésus. Mais quel est le rôle de Marie? Son cœur immaculé est le vivant autel de pierre sur lequel le sacrifice est offert. Il est le servant, ce cœur brisé dont les palpitations sont les réponses de la liturgie, c'est le turibulum dans lequel la foi, l'espérance, la charité, l'adoration du monde, brûle comme l'encens devant l'agneau immolé qui efface les péchés du monde, et enfin le même cœur immaculé est le cœur plus qu'angélique de cette messe redoutable, le silence des souffrances admirables de Marie ne chantait-il pas, en effet, des cantiques secrets et ineffables dans l'oreille ravie de l'hostie sanglante? Markemdanarchive.org d'après la numérisation de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.